Le lendemain, 3 juin 1832, Éponine empêche son père et sa bande, évadés de prison grâce à Montparnasse et Gavroche, d'entrer dans le jardin de la rue Plumet. Pendant que les 6 bandits lâchaient pied devant une fille, Marius était près de Cosette. Triste, elle lui apprend qu'elle va partir en Angleterre avec M. Fauchelevent. Après lui avoir gravé sur le mur son adresse, 16 rue de la Verrerie, Marius court chez M. Gillenormand, son grand-père, qu'il n'avait pas vu depuis 4 ans. Il lui signifie son désir d'épouser Mademoiselle Fauchelevent, qui demeure rue Plumet. Rue Plumet? Tu dis rue Plumet? Ton cousin Théodule m'en a parlé. Une Pamela, tu n'as pas mauvais goût. Entre nous, je crois que ce dadé de Lancier lui a un peu fait la cour. Je ne sais pas jusqu'où cela a été. Enfin, ça ne fait rien. La petite, elle te reçoit en cachette de papa, c'est dans l'ordre. J'ai eu des histoires comme ça, moi aussi. Plus d'une. Sais-tu ce qu'on en fait? On ne se précipite pas dans le tragique. On ne conclut pas au mariage. Et à monsieur le maire, avec son écharpe. Bêta, fais-en ta maîtresse. Il y a 5 ans, vous avez outragé mon père. Aujourd'hui, vous outragez ma femme. Je ne vous demande plus rien. Monsieur, adieu. Le vieillard cria, au secours, au secours. L'octogénaire s'affaissa sur un fauteuil, n'ayant plus rien dans les yeux et dans le cœur que quelque chose de morne et de profond qui ressemblait à la nuit.